Salut Manu! Chier, je voulais sampler, mais c'est chaud à synchroniser avec Ninja. Sur ton truc là. Synchronise-le, ça peut arriver. Thank you. ton tempo là, tu pars sur quel tempo de ta machine? Thank you.